chimie, c'était pour te dire que ça galère, moi, avec Jam Tabac. Ça galère trop, je suis obligé de passer par Reninjam. Mais du coup, j'ai pas de flux de vidéo à t'envoyer. Ou alors, on passe par autre chose, comme OBS Ninja. Et, moi, et on t'envoie tous nos flux vidéo par ça, et on gère le son via Ninja. Thank you. cock instead of a gun to make it look like a punk. Look like a punk. Before the punk was no punk. Punk, punky. No, no punk. Instead of a gun to make it look like a punk. Thank you.

Thank you.

Thank you.